Je sais, j'ai l'air con. Je sais. Ouh, la voix des débilos que j'ai. Je sais, j'ai l'air con. Bon, bref, à 100. Je vais m'amuser. Impeccable. Je sais, j'ai l'air con. Faut pas hésiter, faut se lancer, faut bien qu'il y ait une première fois. Don't worry about that. Impeccable. Je sais. La malade, peut être la plus vite. Ouais, je suis en train de monter le son pour que tu m'entendes un peu. Je te dis pas comment tes oreilles vont chauffer quand tu vas m'écouter. Je sais. La voix de débilos que j'ai. Impeccable. Bon, je sais que je fais comme une toupie. Je suis fatiguée. Tu m'excuses. Hein, tu me pardonnes, tu m'excuses. Oui, tu m'excuses. Je me suis écoutée et il y a quelques fautes. Salut.